bien, chers frères, nous vivons une époque formidable. Nous vivons une époque frénétique. Des cellulaires sont greffés à nos joues. Nous faxons nos états d'âme à travers le monde. Nos cerveaux communient avec toute la planète. Et oui, mes frères, je vous le dis, nous vivons une époque frénétique. Nous vivons une époque magique. Nous nous transplantons à travers le monde. Nous butinons de ville en ville à la vitesse du son. Heureusement, il y a alors psychiculture. Le bingo, la pétanque, le casino. Pour nous rappeler tous qu'on est nés pour un petit pain. Mes frères, nous traversons vraiment une époque pleine de déclats. Nous devisons avec le monde entier, nous échangeons, nous commerçons partout. Nous nous internetons à la communauté. En vérité, je vous le dis, c'est le paradis par la technologie. Heureusement, il y a l'horticulture, le brunch, le barbecue, le méchoui,